Du coup, on va passer donc à la formation de la Haute-Loire. Je crois qu'ils nous ont préparé une petite surprise. Ah ben dis donc, la vie à la ferme, moi ça me fait rêver hein, parce que... Estelle, animatrice, formatrice. Moi je travaille dans des conditions pas possibles et vous, vous êtes au soleil, tranquille. Ça doit être bien, hein. Ça me fait envie. On n'est pas mécontents. Pas faux. Bon, je reviens, je vous ramène les cafés. Marian, maraîcher, et Sylvain, paysan, accueillant, sont tous deux adhérents à l'AFOG Haute-Loire. Ils discutent ici de diminuer les tensions, en soi et avec les autres. Ah oui, il fallait qu'on parle des... On devait parler, on avait dit qu'on parlerait de la formation qu'on a faite en début d'année à l'AFOG. Ah oui, la avec... formation, tu sais, les titres simples. À rallonge. Mieux communiquer. Avec, au travail non. Et avec mes proches. Voilà, pour moins de stress. Pour plus de sérénité. Plus de sérénité, ouais. Sur ma ferme. Voilà, du coup, alors, t'en as pensé quoi? Enfin, pourquoi t'étais venu en fait à cette formation? Alors, moi, je me suis inscrit, justement pour le stress. C'est vrai que c'était plus avancé dans le boulot, je me mettais de la pression. Et puis j'ai l'impression parfois de plus prendre le temps au travail, enfin de prendre le temps que pour le travail, de plus avoir le temps d'aller échanger, discuter 5 minutes avec le voisin paysan, de pas trouver du temps pour les assos, pour le collectif, ouais, de bourre, courir quoi. Toujours à la bourre, de plus regarder la nature quoi. Un comble. Donc tellement pris dans le quotidien, faut livrer à l'heure, faut semer avant la pluie, faut toujours, et que du coup, les bons moments pour lesquels j'ai choisi ce métier, je les trouvais moins fréquents, quoi. Voilà. Donc, et forcément, une des tensions que je ramenais à la maison, et du coup, voilà, peut-être des pistes pour des pistes de solutions avec cette formation. Mmh, et toi, alors, pourquoi tu t'es inscrit? Alors moi, je me suis inscrit parce que on fait l'accueil. Enfin, sur le plan des randonnées, je m'en occupe tout seul. Mais sur le plan de l'accueil, on s'en occupe en couple. Et du coup, mon épouse, elle n'avait pas vraiment choisi ça. En fait, on a fait cet accueil. C'était une reconversion de monter cette petite ferme et de faire cet accueil. Et elle, ça n'a jamais été son truc. Du coup, on n'a pas du tout les mêmes exigences sur la façon de recevoir les gens, sur le ménage, par exemple, des chambres et tout ça. Alors, c'est toujours une source de tension. Et puis, j'avais... Je ne sais pas trop comment en parler, c'est toujours très difficile, tu sais, de mélanger les aspects professionnels et familiaux. Et puis alors, la deuxième raison, c'est que j'accueille des woofers. Et alors, avec les woofers, c'est un problème différent. C'est que je suis assez exigeant pour moi, je suis aussi exigeant pour les autres. Je ne suis pas du tout pédagogue. En fait, je suis un mauvais patron, quoi. Je suis un mauvais boss, donc voilà. C'était l'idée, quoi, pour ces deux sujets-là, d'essayer d'être plus à l'aise avec lui. Ouais. Et alors, du coup, ça t'a servi à quelque chose? Alors, figure-toi que je ne me souviens absolument pas de ce qu'on a fait cette journée de formation. Ça t'a servi à rien, quoi. C'est pas ça. En fait, sur les outils, je ne me souviens pas du tout. Mais je me suis rendu compte l'été dernier que je me comportais différemment. Moins stressé, tu vas rigoler, quand je vais au jardin par exemple, j'ai un grand jardin, ça fait pas mal de boulot et tout ça, quand je récolte mes légumes, je dis merci, tu vois, quand j'arrache une mauvaise herbe, je dis pardon. Je suis super zen. Bon. Et donc, ça m'a vraiment, je profite du temps, tu parlais tout à l'heure du temps qu'on n'arrive pas à trouver tout ça. Là, je me suis dit cet été, tu profites de tes visiteurs, tu discutes, tu profites du moment présent. Enfin, tu es positif, quoi. Complètement, oui. Tiens, je me souviens d'une phrase que nous disait la formatrice, c'est « Tous ceux qui ne s'expriment pas s'impriment dans le corps ». T'as raison, ça me revient maintenant, oui. Et puis, ouais, tout ça, on avait aussi fait des jeux avec les... on avait essayé d'exprimer, de mettre des mots sur nos sentiments, nos besoins. Mmh. Et du coup, tu as pu mettre en pratique, alors? Alors, je me mettais une liste d'objectifs à rallonge, inatteignables pour chaque journée, et j'étais toujours insatisfait à la fin de la journée, quoi. Et là, petit à petit, j'arrive à pas finir ce que j'ai prévu de faire, ou en prévoir moins, et puis à rentrer content le soir à la maison. Voilà. Les jours où je travaillais seul, je faisais pas de pause. Là, je me suis remis à fumer, à faire des pauses. C'est dommage pour le tabac, mais voilà. Tu prends mieux ton temps.